Nico, Morphino, le duo, on est là, tu peux nous entendre gros, nous on fait pas du faux. On est là pour double face, c'est pas une part pile ou face. Le destin est déjà tout tracé, y'a pas de secret. Les occasions faut qu'on se crée, de devenir MC on n'a pas de regret. Double face, un côté X-Nico, à l'opposé Morphino. Écoute, apprécie-nous, le premier duo des rappeurs sortis du crew de la DL. Et c'est pour elle qu'on se lance dans la chanson, sans laquelle on serait encore au quartier à faire les cons. Double face, préparez-vous, faut qu'on fasse le maximum pour arriver au bout. Double face, c'est le commencement. On est là, la rage au ventre. Et on entre dans le ring du rap. Alors on frappe nos adversaires à coups de rimes saignantes. Celles, tous ces mecs qui se vantent. On est là et on plante notre groupe sur l'arène. On cherche nos reines dans cette plaine. S'il faut qu'on traîne, les douleurs enchaînent. On est déchaînés, prêts à assurer pour enfin avoir du succès. Car on a déjà le plaisir de rimer. X-Nico, Morphino, tu nous vois, mais pas de haut. On sort direct de la DL Show.